Psaume 30. Psaume qui fut un cantique de la dédicace de la maison de David. Éternel. Je t'exalterai, parce que tu m'as délivré, et que tu n'as pas réjoui mes ennemis de ma défaite. Éternel, mon Dieu, j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du sépulcre, tu m'as rendu la vie, afin que je ne descendisse point en la fosse. Psalmodiez à l'Éternel, vous ses bien-aimés, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Car il n'y a qu'un moment en sa colère, mais il y a toute une vie en sa faveur. La lamentation loge-t-elle le soir chez nous, le chant de triomphe y est le matin. Quand j'étais en ma prospérité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur tu avais fait, que la force se tenait en ma montagne. As-tu caché ta face, j'ai été tout effrayé. Éternel, j'ai crié à toi, et j'ai présenté ma supplication à l'Éternel, en disant. Quel profit y aura-t-il en mon sang, si je descends dans la fosse? La poudre te célébrera-t-elle? Prêchera-t-elle ta vérité? Éternel, écoute, et aie pitié de moi, Éternel, sois-moi en aide. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac, et tu m'as ceint de joie. Afin que ma langue te psalmodie, et ne se taise point. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai à toujours.